Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi. Première partie, troisième traité, Marie considérée en elle-même. Chapitre 1er, Marie exempte de péché et de concupiscence. C'est le propre des grandes choses qui surpassent notre faible intelligence, d'être difficile à saisir lorsque nous voulons les contempler immédiatement pour les approfondir en elles-mêmes. C'est pourquoi, ainsi que saint Thomas l'a remarqué, il est plus facile d'écarter de l'idée de Dieu ce qui répugne à cette idée, que d'affirmer tout ce qui lui convient. En d'autres termes, il est plus facile de décrire ce que Dieu n'est pas, par exemple, qu'il n'est ni corporel, ni dépendant, ni limité, que de dire ce qu'il est, quels sont ses attributs qu'on nomme positifs. La même chose a lieu, proportion gardée, quand on veut considérer Marie. On peut sans beaucoup de difficulté connaître ce que Marie n'est pas, mais veut-on se former l'idée de ce qu'elle est, il est bien difficile d'y parvenir. Quant à nous, après avoir tâché de connaître Marie en la considérant dans ses figures et dans son auteur, voulant maintenant fixer immédiatement sur elle nos regards, nous pourrons sans trop de peine trouver ce que Marie n'est pas, ou quelles sont les imperfections qui ne se rencontrent pas en elle. Partant, nous commencerons par celle-ci, afin de nous frayer une voie à la connaissance la moins imparfaite possible des qualités positives de Marie. Ne regrettons pas de devoir nous arrêter assez longtemps à ces considérations, ce temps ne sera certes pas mal employé, car nous devons juger, avec le pieux Suarez, qu'après la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, il n'en est pas de plus utile que celle de Marie. Tant d'autres s'épuisent le cerveau pour découvrir des choses qui n'apportent qu'affliction d'esprit, pourquoi trouverions-nous de l'ennui à nous occuper un instant de la connaissance de ce qui peut nous procurer les plus douces consolations? Sans prolonger cette digression, nous allons commencer par traiter des imperfections dont Marie fut exempte. Nos présentes considérations auront pour objet les trois points suivants. Premièrement, Marie fut-elle exempte de toute faute actuelle durant sa vie mortelle? Deuxièmement, Marie était-elle assujettie à la concupiscence? Éprouvait-elle comme nous ces inclinations vicieuses qui nous entraînent au mal comme malgré nous? Troisièmement, Marie fut-elle souillée par la tache du péché originel? Fut-elle conçue dans le péché? Il semblerait que cette troisième question dût être discutée en premier lieu, pour procéder avec ordre, mais je l'ai à dessein réservée pour la dernière, afin de traiter d'abord de ce qui a toujours été admis par tous les docteurs catholiques, et ensuite de ce qui souffre encore parmi eux certaines divergences d'opinion. Voyez la note du traducteur sur le dogme, au début du paragraphe 3 du premier chapitre du troisième traité, Piste audio numéro 20, PDF page 106. Premier paragraphe, Marie exempte de tout péché actuel. Marie s'est-elle conservée pure de tout péché actuel? À cette question seule, tous les catholiques sincères, tous les vrais enfants de Marie sentent leur cœur qui se soulève. Quoi, se disent-ils naturellement, on demande si la très sainte Vierge a péché. Mais le doute sur ce point n'est-il pas lui-même un péché? Comment la Mère de Dieu aurait-elle jamais commis un péché? À qu'on entende de point parler de péché, quand il s'agit de Marie. Voilà le cri d'un cœur catholique, qui ne se méprend pas en suivant ses impressions qu'il a reçues avec la foi. Il en est ainsi, Marie n'a jamais péché, et je regarde comme coupable le doute sur cet article. Il n'est pourtant pas mal de l'éclaircir un peu, et de faire voir aux serviteurs de Marie, qu'en suivant ce sens intime qui les porte à proclamer cette auguste Vierge exemple de toute faute, ils sont loin de se tromper. Soyons bien persuadés d'ailleurs que l'on est sûr de trouver la vérité, quand il est question de Marie, si l'on vise au plus parfait, mais que rarement on peut espérer d'y atteindre, si l'on craint de s'élever trop haut. Que la sainteté de Marie n'ait jamais été souillée par aucune faute, même vénielle, c'est la doctrine de tous les catholiques, comme l'atteste Contenson, savant auteur. Et avant lui saint Thomas avait dit, il faut confesser simplement que la bienheureuse Vierge n'a jamais commis aucun péché actuel, soit mortel, soit véniel, et le saint en donne la raison, sans cela, dit-il, elle n'aurait pas été digne mère de Dieu, car si la gloire des parents rejaillit sur les enfants, par contre, l'ignominie de la mère serait en un sens retombée sur le fils. Ensuite, poursuit-il, Marie fut unie à Jésus-Christ par les liens les plus étroits, or il n'y a pas d'affinité entre Jésus-Christ et le péché. Enfin Marie reçut non seulement dans son cœur, mais encore dans son sein la sagesse éternelle, qui n'habite pas dans un cœur souillé par le péché. L'illustre Suarez va plus loin, il dit qu'il est de foi que Marie n'a pas péché. Cette vérité fut définie comme article de foi dans le Concile de Clermont, tenu sous Urbain II, l'an 1095, et, sinon définie, du moins ouvertement insinuée dans le Saint Concile de Trente, où il est dit, Session 6, 25. Si quelqu'un dit que l'homme une fois justifié peut, durant toute sa vie, éviter tous les péchés, même véniels, sans un privilège spécial de Dieu, comme l'Église le tient pour constant de la bienheureuse Vierge, qu'il soit anathème. Le Saint Concile atteste donc que ce sentiment est celui de l'Église universelle, ce qui équivaut à peu près à une définition de foi. Après avoir cité ces autorités irréfragables touchant le dogme en question, après avoir montré par le Saint Concile de Trente que c'est la croyance de toute l'Église catholique, que la très sainte Vierge n'a jamais commis aucun péché, quelque léger qu'on le suppose, je crois qu'il serait superflu d'apporter d'autres preuves à l'appui de cette assertion catholique. Je me contenterai de donner ici, touchant cette doctrine, quelques éclaircissements, tirés de Suarez. Il faut donc savoir que la très sainte Vierge n'a pas été impeccable par nature, non certainement, cette prérogative n'appartient qu'à Dieu seul, et à l'humanité sacrée de Jésus-Christ, à raison de son union hypostatique avec le Verbe divin. Marie fut impeccable par grâce, et encore non par la seule grâce habituelle, mais par la réunion des grâces actuelles que Dieu a versées à pleine main dans son cœur, durant tout le cours de sa très sainte vie. Mais quand la bienheureuse Vierge fut-elle douée de cette impeccabilité extérieure? Il semble plus probable que ce fût dès l'instant de sa conception, que ceci toutefois ne soit dit qu'en passant. J'invite maintenant le lecteur à faire avec moi une réflexion. Marie dans toute sa vie n'a commis aucun péché, sa sainteté fut donc bien grande, quelles conséquences? Dira-t-on peut-être, et quoi, pour être vraiment saint, suffit-il de ne pas pécher? Nous savons au contraire que la sainteté ne consiste pas tant à s'abstenir de tout mal, qu'à faire positivement le bien. Il faudrait donc prouver que la Vierge Marie non seulement n'a jamais péché, mais encore qu'elle a été parfaite dans toutes ses œuvres. En effet, et c'est précisément ce que je voulais dire, mais c'est aussi, je crois, ce qui est suffisamment prouvé dès qu'on admet que Marie n'a commis aucun péché. Voici mon raisonnement. Marie n'a jamais commis aucun péché, soit grave, soit léger, donc elle a agi saintement durant tout le cours de sa vie. Mais d'où vient cette conséquence? N'y a-t-il pas de milieu entre fuir le mal et faire le bien? Non, pas de milieu, si nous en croyons saint Thomas. Quoi qu'il en soit d'une action considérée en elle-même, le fait que, prise en particulier, toute action est bonne ou mauvaise bonne, si elle est faite de la manière dont elle doit être faite et accompagnée des circonstances requises, mauvaise, si elle manque de quelqu'une de ces circonstances. Il s'agit ici des actes délibérés, nous ne voulons pas dire que toute action soit méritoire ou déméritoire de la vie éternelle, ce n'est pas non plus ce qu'entend saint Thomas. Dans Marie, il n'y eut aucune action délibérée qui ne fût accompagnée de toutes les circonstances requises, c'est-à-dire qui ne fût faite avec pureté d'intention et de la manière voulue, autrement elle aurait péché, ce qu'on ne peut avancer. Toutes ces actions furent dirigées d'après l'impulsion de la grâce du divin esprit qui habitait en elle, comme dans son temple. Cette impulsion ne fut jamais arrêtée par aucune affection humaine ou terrestre. Elle se laissa conduire en tout par le Saint-Esprit, comme l'assure saint Bernard. Nous pouvons avancer de plus que même les actions qui sont indélibérées chez nous, furent dans Marie, par un privilège tout spécial, dirigé par l'Esprit Saint, comme l'enseigne un grand nombre d'interprètes. En expliquant ces paroles des cantiques, 5, 2, je dors, et mon cœur veille. Voir Cornelius à la Pitch, chapitre 5, 2. Tandis que le corps dormait, dit saint Ambroise, le cœur veillait, saint Ambroise de Virginibus, livre 8. Ce sommeil qui nous dérobe une grande partie de notre vie morale, et nous prive durant un temps notable de la faculté de mériter, ne fut pas tel pour Marie. Dans tous les instants de sa vie elle accumula de nouveaux mérites, de nouvelles couronnes. Ô Dieu, à quel comble prodigieux ces mérites ne durent-ils pas atteindre? D'autant plus, que, si nous ajoutons foi à de graves auteurs, il ne demeurait jamais deux instants de suite au même degré, ils allaient sans cesse grandissant et se multipliant. Toute sa vie fut une aurore qui à chaque instant croît en clarté et en splendeur, toute sa vie fut la voix du juste qui, comme une lumière resplendissante, s'avance et s'augmente jusqu'au jour parfait, Proverbe 4, 18. Ainsi, encore qu'au premier instant de son existence nous ne lui accorderions qu'un seul degré de grâce et de mérite, dans le second il y en aurait eu deux, dans le troisième quatre, dans le quatrième huit, voire seigneurie, dit Voto di Maria, et ainsi de suite. Mais que serait-ce si dans le premier instant les degrés se fussent élevés à plusieurs milliers? À quel nombre incommensurable par suite ne serait-il pas parvenu? Notre esprit se perd et s'abîme dans ses pensées. Nous devons dire avec saint Anselme, ô Marie, celui qui désire considérer l'immensité de votre grâce et de votre gloire, sans son esprit défaillir, et sa langue s'épuiser. Ô Vierge très sainte! Je demeure saisi d'étonnement en pensant à ce que vous avez fait, et à ce que l'Esprit Saint a fait en vous. Marc 7, 37. Vous avez fait bien toutes choses, voilà tout ce que je puis dire de vous. Mais, misérable que je suis, que puis-je dire de moi? Oserais-je assurer que j'ai bien fait toutes choses conformément à votre exemple? Oserais-je dire que j'ai été comme vous une roue qui tourne à tous les souffles de l'Esprit Saint? Je n'ai été que trop semblable à une roue tournant à tout vent de l'Esprit, mais de quel esprit? De l'esprit malin. Je me suis laissé balloter et agiter, comme un fragile roseau, à tout vent des passions déréglées, j'ai été inflexible aux impulsions de la grâce divine. Je n'ai rien fait de bon. Ah que je suis un enfant bien différent de sa mère. Ô Vierge Sainte, obtenez-moi la grâce de pouvoir au moins vous imiter en quelque chose. L'amour trouve la ressemblance ou la fait naître, vous ne l'avez certainement pas trouvée en moi, faites-la naître par votre intercession. Markemdanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.